la matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h. J'espère que vous allez bien et que vous êtes réveillés avec autour de moi une équipe toujours aussi fidèle avec James. Waouh, la feinte! J'ai regardé Jocelyn. Je ne m'y attendais pas du et tout. Et en fait, non, c'est James que j'étais pas prêt, James. Je ne sais pas quoi dire. Du coup, bonjour. De quoi tu vas parler aujourd'hui? Je vais parler de Magic System. Magic System? Oui. Ah, le grand retour peut-être? Peut-être. Si j'en ai, j'espère. Voilà. De Magic System. On l'espère. Et toi, Jocelyn, tu vas nous parler en dehors de Vezouz? Bonjour Tristan, déjà. Bonjour, Jocelyn. Moi, je ne parlerai que de Vezouz ou ciré sur Vezouz. Donc, je n'ai pas d'autre sujet. Une telle panoplie de villes qu'on aimerait accueillir. Les auditeurs qu'on ont vraiment risque envie d'accueillir d'écouter cette émission. Je pense qu'ils sont... Ils ont hâte. Ouais. Et bien alors, tout de suite, on passe au journal. Ok. C'est parti. Il est 18h passé de quelques secondes, c'est le journal de la matinale de 18h. On commence tout de suite avec James et les informations nationales et internationales. Ah, oh, bah, je l'ai plus l'info. Oh, bah voilà, c'est là. Inflation, le prix de l'essence va être indexé sur le prix du pain au chocolat. Devant la hausse galopante du prix de l'essence qui s'approche dangereusement des 2 pains au chocolat par litre, un député propose de rapporter le prix d'un litre d'essence à celui d'un pain au chocolat. Des partenariats entre boulangerie et station-service comptent même lancer le paiement en pain au chocolat pour de l'essence et inversement. Le groupe Magic System déclare songer à revenir à un nouveau tube de l'été. Voilà, on en parlait dans le prologue de cette émission. Auteur des célèbres titres comme On va bouger ou Chéri Coco, le groupe a avoué plancher sur l'écriture d'un nouveau tube de l'été pour 2022 qui tournerait autour des thèmes de la danse et de la festivité. Oh. Un champ lexical encore inexploré pour un tube de l'été. On attend avec impatience cette révolution musicale. C'est le début des championnats du monde d'avalage. L'avalage d'épée qui commence effectivement dès demain, le 10 juin. C'est l'épreuve de vitesse qui ouvrira, comme d'habitude, ces 3 semaines de compétition. Tous les espoirs français reposent sur le Lorrain Louis Boulanger, détenteur du record du monde avec 12 épées en 2 minutes 14. Des chances de médaille également dans l'épreuve de sabre par équipe ainsi que dans l'épreuve artistique qui aura lieu à la fin du mois. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Information locale avec Jocelyn, recrue de choix pour le SLUC qui monte en Betclic League. En effet, le SLUC a mis la main à la poche pour préparer la BL. On parlerait d'un joueur, Roger Griezmann, le grand-père d'Antoine Griezmann, joueur iconique du Barça en 2018. On s'en souvient, Roger coûterait 1 700 € pour le transfert de l'association de foot de l'EHPAD à Nancy. Mais le SLUC prend le pari. Conséquence du réchauffement climatique, les clubs de foot de la Lorraine se convertissent au rugby. Et oui, les températures montent, le corps du Lorrain est obligé de s'adapter, il prend un accent chantant, laisse tomber son picon pour un ballon d'eau jaune et se met au nouveau sport local, le rugby. Venez retrouver l'équipe nancéenne samedi au stade près du fronton, il y aura GG à la buvette, Pitenko. Allez, sacré troisième mi-temps. Croyant à une invasion de la Lorraine par les Pays-Bas, il tire sur des caravanes sur une aire de repos. C'est cette aire peu fréquentée qu'avaient choisi les Hollandais pour faire une escale avant de descendre dans le sud de la France, mais Stéphane Calibre en avait décidé autrement, il aurait ensemencé de plomb 14 caravanes et crevé 17 pneus, obligeant les Hollandais à rester en Lorraine, les pauvres. C'est comme ça, peut-être découvriront-ils Vezouz, la Vezouz. Ou Brémoncourt. Ou Brémoncourt. On passe tout de suite à la météo. La météo. Et bonjour à tous, aujourd'hui regardez la mouette, c'est exactement ce que j'allais dire, non, regardez le ciel, comment fait-il chez vous? N'hésitez pas à nous le dire sur fadjetradio94.2.net. En tout cas, chez moi il fait grand soleil, je suis les pieds sur la table à siroter une petite grenadine à l'eau. Allez, on se retrouve pour le prochain Flash Info et Météo vers 18h30, sans plus attendre, c'est la parole à James avec... l'éphéméride du 9 juin, si je ne me trompe pas. C'est ça, précisément. C'est bien le 9 juin, juste après un choix de James, d'ailleurs, Clara Luciani, respire encore. Elle respire le temps. son saut. Le rythme de son cœur, ses lignes stroboscopées bat un peu plus fort. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Elle veut pas s'asseoir, ça a trop duré. Clara Luciani, respire encore. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Le 9 juin 2022, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Donald Duck. C'est aujourd'hui qu'il est apparu pour la première fois, Donald Duck. Voilà, je crois savoir que Jocelyn, tu l'imites d'ailleurs. Oui. Oui, tu l'imites, effectivement. Donc, ça, c'est la première chose. On a aussi des stars du cinéma, tout simplement. Que Jocelyn imite ? Également. Oui, également. Johnny Depp, vas-y, fais-nous Johnny Depp quand même. Je suis Johnny Depp. Voilà, ça, c'est quand même assez fort. Putain. Nathalie Portman, tu fais aussi, je crois. Bonjour, c'est Nathalie Portman. Voilà, c'est ça, c'est Nathalie Portman. Vous l'avez reconnue, je pense. Bah oui. On a tous reconnu. Ouais, c'est vrai. Il y a également Stéphane Plaza aujourd'hui. Bon, bah voilà, ça, je vais pas te faire l'insulte de l'imiter, puisque c'est quand même hors de ton champ d'action. Et puis surtout, en préparant l'émission, voilà, j'ai taffé pendant quoi, 4-5 heures hier, et j'ai découvert qu'il y avait un homme qui s'appelait Scipion Jérôme Brigat de Lambert, qui est né un 9 juin. D'accord. Et j'ai trouvé ce nom absolument incroyable. Alors j'ai plongé un peu dans la vie de cet homme. Je l'imite pas. Et je me suis dit, mais qui est cet homme ? Qui est ce Scipion Jérôme Brigat de Lambert ? Et en fait, j'ai découvert un personnage tout à fait incroyable. Un personnage voilà, qui est doyen de la cathédrale d'Avranches, qui est mort martyr sur les pontons de Rochefort. Quand ça ? En 1733. D'accord. En 1733, il est né. Scipion. Et il est mort un peu plus tard, le 4 septembre 1794. D'accord. Et c'est sa fête aujourd'hui ? C'est la Saint-Scipion ? Pas du tout. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on est sur la Saint. Ce sera dans la suite de ma chronique. Pardon, donc, oulala, j'ai pas envie de spoiler les auditeurs, pardon, quoi. Mais non. Du coup, non. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un qui est né à Lignan-Barrois. Hein, c'est dans la Meuse. Les auditeurs de là-bas nous doivent le connaître. Évidemment, il y a peut-être des descendants de cet homme. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument lui rendre hommage. Il a été béatifié en 95 par Jean-Paul II. Donc c'est forcément pas un charlatan, cet homme. Bah non, Scipion, ça se saurait. Voilà, exactement. Donc on le salue et. Voilà, grosse pensée à lui. Ouais, je sens de l'émotion. C'est marrant, bah, je sais pas, j'ai eu une connexion avec cet homme-là, avec Scipion Jérôme. Scipion Jérôme. Voilà, Scipion Jérôme, d'ailleurs, si vous cherchez des noms pour votre enfant, un petit Scipion Jérôme pour les personnes Scipion qui sont Jérôme, enceintes ou enceintes. Ça match très bien. Voilà. Ça régale. Alors, aussi, il y a eu des morts intéressantes un 9 juin. Franchement, il y a du beau monde, hein, ce 9 juin. Ah bah, oui. Moi, j'aime bien les morts. Voilà. Donc, Néron. Vous connaissez Néron ? Oui. Oui. Néron, petit patapon, comme on dit. En 68. Il est mort en 68. Oui, mais pas sur les barricades. Empereur. Voilà, il était empereur de Rome et il est mort en 68 après Jésus-Christ. Philippe d'Orléans, qui est aussi le bro de Louis XIV, hein, son brother, son frère. Ah ouais, il s'appelait Philippe. De Louis XIV. Hein. Ouais. Donc monsieur. Voilà, c'est monsieur. C'était monsieur, exactement. Son monsieur surnom. Parce qu'il était. Il en était, quoi. Ah oui, autant. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, ça ne cachait pas. Okay. Et donc, et enfin, je termine avec Charles Dickens. Voilà, pour les gens qui sont plutôt amateurs de littérature anglaise du 19e siècle, avec Charles Dickens, voilà, qui est mort en 1870. Okay. Voilà. Et puis aujourd'hui, alors pour revenir à la fête du 9 juin, on est sur la Sainte Diane. D'accord. Ah, Sainte Diane. Sainte Diane. Diane qui est le nom d'une déesse, sûrement. C'était le nom de la chienne de ma grand-mère. Et ah voilà. Ouais. Diane et Cybèle. Diane et Cybèle. Elle avait deux noms? Non, il y avait. Non, deux c'est chiennes. Pas comme Néron. José. Ça, Jérôme. Seption. Scipion, Jérôme. Scipion, Jérôme. Non, c'est juste qu'elle avait deux chiennes. Ah, ok, voilà. D'accord. Diane Cybèle et Diane. Très bien. C'est marrant ça, parce que ça fait Diane et Cybèle. Ah oui, c'est Diane vrai. Diane et Cybèle. Ouais. Et donc, le proverbe un peu sportif aujourd'hui pour le 9 juin. La judo, c'est facile jusqu'à la. Je refais. Ouais. Ah oui, ça, je l'ai compris. Le judo, c'est facile jusqu'à la ceinture noire première Diane. Excellent. Ça va faire énormément rire Teddy Riner qui nous écoute très souvent. Je le salue. Qu'on devrait recevoir dans une prochaine émission, ouais. Normalement. Ouais, il devrait venir, ouais. Si il a un peu moins peur de toi, parce qu'il a quand même assez peur de moi, de Jocelyn. Voilà, moi j'en ai terminé. Un dicton ou pas, non? Bah je viens de le faire, si tu veux, je le refais une deuxième fois, parce qu'il est vraiment excellent. Le judo c'est facile jusqu'à la ceinture noire première Diane. Voilà. Et toujours aussi drôle. Hein. Qu'est-ce qu'on... Et parce qu'on n'a pas parlé de Palmade. Mais oui, c'est de vrai. Pierre Palmade. Et on va en parler. C'est vrai qu'on en a peu parlé. Ouais. Parce que là, c'est bientôt qu'on va en entendre parler. Ah oui, t'as des infos? Les gens... Alors, j'ai des infos parce qu'on a regardé son horoscope tout à l'heure. Oh, filou. Et là, clairement, puisqu'il est bélier, hein, et là, clairement, il va se passer plein de choses avec Pierre Palmade dans les jours qui viennent. Restez à l'antenne, juste après Jennifer Lopez, on vous parle de l'horoscope de Pierre Palmade. We'll be right back. Jennifer Lopez, If You Had Me Love. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. On vous en parlait tout à l'heure avant Jennifer Lopez de Pierre Palmade, parce que Palmade pour l'instant ne fait pas parler de lui. Bah, pas du tout même. Et attendez-vous à ce qu'il fasse le buzz dans les jours, voire peut-être les semaines qui viennent. Ou les heures. Ou les heures, ou les heures, hein, puisqu'il est à 18h passé ce 9 juin. On va débriefer l'analyse de l'horoscope de Pierre Palmade. Je veux bien. Qui est bélier. Et je vous lis, travail, dynamisme et lucidité se conjuguent. Oh. Vous avez du tonus et les idées claires pour agir très vite et bien. Ah, oh ça, ouh. Je sens le sketch qui va arriver sur les actualités. Si on reprend déjà la première phrase, dynamisme et lucidité se conjuguent. Quelque part, ça veut dire que toutes les étoiles sont alignées pour une fois. Pour Pierre Palmade. Pour Pierre Palmade. Donc c'est le moment. C'est vraiment le moment où. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah, non ouais. Non, je sais pas. Moi, je suis pas aussi enthousiaste que vous parce que pour moi, justement, dynamisme et lucidité, si vous regardez bien les sketchs de Pierre Palmade, c'est vraiment des trucs qui ne sont pas vraiment. C'est pas dans son univers, le dynamisme et la lucidité. Non, c'est quelqu'un. Alors, je te laisse parler. Pierre Palmade, son humour, il est basé sur trois choses. Oui. C'est sur un certain flegmatisme. Oui. D'accord, qui est donc à l'opposé du dynamisme, et une certaine émanation d'une richesse vocabulistique qui n'est pas celle de... Qu'est-ce que je... Pour rebondir, je pense que justement, le Pierre Palmade, qui était un peu plus nonchalant qu'à l'heure actuelle, et ben il s'est réveillé, on a affaire à Pierre Palmade 2.0. Voilà, on a affaire à Pierre Palmade. Ah non, mais ça, c'est d'accord. Si ça veut dire un changement d'air dans si oui, pas, voilà. C'est pas un changement c'est d'air, c'est un nouveau, un nouvel oui, air. Bah, non, mais ça, d'accord. Bah alors, dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais ça veut dire une réinvention du Pierre Palmade. Bien sûr. Mais c'est ça qu'on y dit depuis le début. Mais d'accord, j'avais pas compris. Moi, j'ai pensé que c'était genre l'ancien Pierre Palmade qui revient, quoi. Qui... Si t'écoutes que la moitié des choses, c'est normal que tu comprennes pas la totalité des choses. Lucidité se conjugue. Lucidité, enfin, il a compris qu'il fallait qu'il se renouvelle, le bonhomme. Mais déjà, c'est pas dynamique. Des verbes. Pourquoi ça se conjuguerait? C'est pas des verbes. Je peux attaquer la deuxième phrase? Vas-y. Vous avez du tonus et les idées claires pour agir vite et bien. Et voilà. Et c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc clairement, là, on va avoir. Alors d'une manière ou d'une autre, je sais pas. On peut l'analyser d'ailleurs. Est-ce que ça va être un nouveau buzz? Parce qu'il est sur TikTok quand même. Il peut très bien faire un TikTok qui va ultra buzzer et qui va. Il l'a déjà fait. Et ça peut se reproduire encore. Voilà. Tout à fait. Alors du coup, est-ce que ça serait peut-être un duo avec Michel Larocque? Ah, mais là. Mais pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un peut regarder Michel Larocque qu'elle signalait? Michel Larocque, je pensais que c'était un homme, moi, donc. Non, Michel Larocque, je crois qu'elle est comme moi, Capricorne. Ah, Capricorne. Oui, mais je Capricorne. Dis ça pour absolument tout le monde. Hein. Alors, Capricorne. C'est Cancer. C'est bon pour vous? C'est qui alors? Elle est quoi? Elle est... C'est une femme, en effet. Oui. Elle est du 15 juin. Son anniversaire dans une semaine. Mercredi prochain, c'est dingue ça. Elle est Cancer alors, c'est ça? Mercredi prochain, c'est donc. Elle est Cancer. Oui. Elle est Cancer. Dans 6 jours. Non, elle n'est pas Cancer. Elle est Gémeaux. Elle est Gémeaux, bien sûr. De l'ambition et de la responsabilité. Voilà et la recette idéale pour le poste que vous convoitez. Et étroitement liée avec le. Pour info, elle fait 1m71. Ok. Ouais. Ouais, et ça, c'est important, je pense. On peut ici dire clairement que c'est le retour de Pierre Palmade et Michel Larocque sur scène. Oh là, ils vont être verts. Il y a une constellation qui est là, qui est écrite, on ne peut pas revenir dessus. C'est clair de l'homme l'autre. Bah c'est les astres. Hein. C'est une exclusivité Fadjet. Vous allez pouvoir avoir la suite de toutes ces aventures qu'il y a eu entre ce couple qui s'est déchiré et qui se remet ensemble. Et je ne pense pas m'avancer en disant que Fadjet offre aux trois premiers auditeurs qui appellent dès maintenant. Le standard de la SNCF place, de la gare de Nancy. Exactement, une place pour la tournée de Michel Larocque qui passeront évidemment à Nancy et également à Toul. Ainsi qu'à Brémoncourt. Voilà, Voilà, c'est ça aussi l'information sur Fadjet. Ce sont des informations précises, traitées en amont et qui arrivent à des informations qui sont précurseurs de tout ce que peut relayer après les autres médias oui, nationaux. Oui, oui. Juste un truc, j'ai une dépêche qui vient de tomber, c'est qu'effectivement Fadjet ne paiera pas pour les trois premiers auditeurs, donc vous pouvez raccrocher si vous étiez en train d'appeler. D'accord, très bien. C'est pas le cas. On se retrouve, suite à cette analyse presque parfaite, on se retrouve pour le débat politique. Parce qu'il y a un débat politique, il faut savoir que Jocelyn arrive toujours en retard. Alors, et ça, j'ai mis une faux. Punition à Jocelyn qui est qu'il n'a pas le droit de choisir les musiques sauf s'il est à l'heure. Et il y a débat. Il y a débat autour de cette table. On en parle juste après. Farruko, Pepas. A tout de suite. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días. En cielo. Botella pa' arriba, siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días. En cielo. Farruko de Pepas. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Yeah. L'invité politique de 18h sur Fadjet. Il n'y a pas un, mais deux invités politiques, en l'occurrence James et Jocelyn. Et je Juste pour préciser quand même aux auditeurs, à la base on avait invité Valéry Giscard d'Estaing, mais on s'est rendu compte qu'il est mort en fait, donc ben du coup on a dû improviser un petit peu pour cette séquence. Oui, mais je pense que c'était plus important que Valéry Giscard d'Estaing parce que, oui, voilà, on remet les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que Jocelyn a l'habitude d'arriver en retard pour pour l'enregistrement de cette émission, et trop c'est trop. Là, quand il a prévenu qu'il allait en retard, alors c'est bien de prévenir qu'il était en retard, là j'ai décidé, tout seul, que l'agencement des musiques pendant l'émission, ça serait James et moi qui le ferions, en tout cas le temps que Jocelyn n'est pas à l'heure. Pour avoir été là, Tristan est entré dans une colère noire, traitant Jocelyn de nom d'oiseau, voire pire. J'ai entendu des noms d'insectes également. Très franchement, c'était très très dur à endurer. Moi qui suis un peu neutre entre vous deux, si vous voulez, c'était vraiment... Mais moi, quand Tristan a dit « j'ai pris la décision moi-même, tout seul, de punir Jocelyn », t'es dictateur de la radio, Tristan, comment ça se passe là? On n'a plus le droit, je pensais qu'on était une équipe. En fait, non, on est des sous-fifres. J'ai même pas envie de répondre, je laisse le soin à James de répondre. Alors, moi, si tu veux, je pense qu'on est effectivement, toi et moi, Jocelyn, tributaires. Dans la mesure où c'est Tristan qui a les manettes, on est tributaire d'une certaine forme de domination, d'un certain totalitarisme. Néanmoins, je pense qu'on a accepté les règles il y a bien longtemps. Genre, on a quand même formé cette équipe il y a 27 ans maintenant. Mais c'est pas ma faute si le bus il a crevé. Là voilà, moi je conduis pas le bus, je suis pas chauffeur de bus, je n'ai même pas mon permis bus. Alors cette semaine, le bus a crevé. La semaine dernière, c'était une crise cardiaque du chauffeur. Non mais ça arrive. Mais il y a des centaines de conducteurs de bus. Les inattendus, ça arrive. C'est inattendu. C'est pas un inattendu. Après, je pense qu'il faut qu'on se recentre sur la violence de la sanction. Parce que c'est vrai que toi, je sais que Jocelyn, il est arrivé, il a pleuré un petit peu en apprenant que j'ai lâché la larmiche. C'est vrai que on vous a peut-être entendu au début de l'émission que c'était un petit peu tendu. Voilà, c'est vrai que ça a changé un peu la donne. Parce que Jocelyn, c'est quelqu'un qui aime choisir la musique. Bah oui, puis j'allais mettre du Manu Chao. Je sais que vous aimez bien Manu Chao. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un jour tu vas arriver à l'heure? C'est ça la question. Mais est-ce qu'un jour les chauffeurs vont arrêter de mourir et les pneus arrêter de crever? Non, je pense pas. Non, mais assume. Alors pourquoi nous on arrive à l'heure? Largement à l'heure. Parce que vous avez le vélo, monsieur, vous. Non, Jocelyn, je te permets pas, parce que moi, personnellement, pour être sûr d'être à l'heure, je suis arrivé hier. Ah oui, voilà. Non mais voilà, mais donc moi je suis pas prévoyant comme vous, messieurs. J'ai dormi dans la radio, enfin devant, parce qu'il m'accepte pas avant l'heure de l'émission. Et je peux te dire que dormir devant Fadjet, c'est pas évident. Bref, j'imagine. Voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de prendre le bus d'avant. Mais on te demande pas d'essayer, on te demande de faire. Peut-être qu'une solution, Tristan, je me permets. Ouais. Peut-être qu'une solution, ça serait de demander tout simplement aux auditeurs dire ce qu'ils ont envie d'écouter pendant l'émission. Voilà. Donc de nous envoyer un mail ou un courrier ou c'est vrai. D'autres moyens. Dans deux mois, quand on aura fait la page Facebook. Et oui, pour nous envoyer un petit DM. Donc dans deux mois, vous nous envoyez, on met ça dans la prochaine émission. Libérer Free Jocelyn. Très bien. On part là-dessus dès qu'on a la page Facebook. Là, ça sera à vous de l'activer. On est déjà en retard. C'est le journal qui nous attend. C'est juste après Angèle, Démon. Encore une musique que j'ai pas choisie. Grâce à ça, moi j'évolue. Comment va pour te aimer gros mort. adieu, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille acromate ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus. Faux rappeur, non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. S'ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien, dans leur derrière, j'ferai un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game, je maîtrise les quatre éléments. J'rappe, je chante, j'produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons. Angèle, démon. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Nous sommes très en retard sur le journal. Il est 18h30 passé. On commence tout de suite les informations national et international de ce journal de la matinale de 18h avec James. Et on attaque tout de suite avec les titres. Pour faire face au débordement de supporters de football, la FIFA menace d'inviter la SNL à la Coupe du Monde du Qatar. Des menaces prises au sérieux par toutes les associations de supporters un peu partout dans le monde. Des communiqués ont fleuri sur les réseaux sociaux montrant des images du stade de Nancy lors d'un Nancy-Dunkerque avec comme message « Say no to Pico ». Je l'ai plus. Oui, nos conseils pour éviter la canicule cet été. Oui, alors la canicule a tendance à frapper dans les maisons de retraite, donc notre premier conseil, ça sera d'éviter ces zones à risque. N'hésitez pas également à passer vos après-midi dans votre piscine ou à défaut dans votre berline climatisée. Pour ceux qui sont soucieux de l'environnement, il est possible de retrouver une certaine fraîcheur en demandant à votre personnel de maison de vous éventer pendant les pics de chaleur. Voilà. Et ça, on ne le dit pas assez. Oui, voilà, c'est des solutions voilà, qui c'est sont économiques. C'est une information pratique, Fadjet. Voilà, bien sûr. Sondage radio, la matinale de 18h, élue émission bimensuelle de parodie de matinale dont deux chroniqueurs ont un prénom qui commence par J, la plus écoutée de France. Voilà, c'est grâce à vous, on vous remercie. Quelques semaines seulement après sa création, notre émission atteint déjà des sommets. Elle est également leader en podcast chez les 34-35 ans allergiques au pollen et opérés des amygdales. Voilà, un succès que, qu'on doit entièrement à vous, nos auditeurs. On vous remercie chaleureusement et on vous aime. Ah oui. On passe tout de suite aux informations locales. C'est ça. Voilà. Excusez-moi, pardon, j'avais loupé le bouton. Les informations locales avec Jocelyn. L'office du tourisme de Ciré-sur-Vezouze cherche désespérément des vacanciers pour cet été. Hôtel, spa avec vue sur la maison de santé Jacques Chirac, balade équestre autour du château d'administration ou bien encore une formidable visite de la salle des fêtes de Ciré-sur-Vezouze. Tout devrait réussir, c'est pourtant à l'heure actuelle la ville où il faut cluber, mais personne ne semble venir, tout simplement. Face à la hausse du prix de l'essence, l'association des SUV de Lorraine bloque des ronds-points. Et oui, les ronds-points en sortie de la ville sont bloqués durant toute la soirée, d'après le communiqué de l'ASL. Et sans surprise, ce ne sont pas les propriétaires qui bloquent, mais bien les chauffeurs des propriétaires, car il ne faut pas déconner non plus, toujours d'après ce communiqué. Et enfin, il pisse dans un violon, elle chie dans la colle, un couple incapable de passer du premier au second degré. Et les problèmes ne font que s'agrandir, le mari devrait chier une pendule d'ici peu et madame serait sur le Marchez à vendre une peau pas encore acquise. Si vous croisez ce couple dans les environs de Brémoncourt, évitez de faire des métaphores, parlez-leur distinctement et tout ira bien. Merci pour ce flash info, on passe tout de suite à la météo. La météo. Et pour aujourd'hui, c'est ce joli jeudi. Je demande également à James de m'accueillir pour la météo. La météo d'aujourd'hui, elle est fabuleuse. Et on regarde la mouette qui passe dans le studio et elle est de bon augure. Elle vole assez bas. Et on peut dire un peu de soleil. Qui dit mouette basse dit averse qui trépasse. Donc pas d'averse aujourd'hui. Pas d'averse grâce à la mouette. Qui vole bas. La mouette basse. Averse qui trépasse. C'est le dicton de cette journée. Merci pour cette météo. C'est le retour de notre émission phare, Les Grosses Fesses, juste après Donna Summer. A tout de suite. Summer, Bad Girls. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. C'est le retour de l'émission des grosses fesses, l'émission phare de l'émission phare, la face phare de l'émission phare, comment on dit ? Enfin, c'est phare, quoi. C'est le phare. C'est le phare de Fadjet, les grosses fesses, avec toujours autour de cette table Jocelyn et James, juste avant que James ne parte en vacances de travail. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, voilà. C'est ça, ouais. En fait, j'y suis en ce moment. C'est vrai ? Ben oui. Ah, c'est ça qui est fort. Tu peux nous expliquer cette notion de vacances de travail ? Bah, ouais, c'est tout simplement que tu pars en vacances. Tu pars en vacances, pardon. Tu pars en vacances et en même temps, tu travailles, quoi. Ok. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu prends des dossiers et que tu les fais à la plage. Voilà. Ok. Simplement. C'est vacances-travail, quoi. Voilà, c'est ça. Très d'accord. Bien. Et bien, sans plus attendre, on commence par la première question. Avec, on va dans les Vosges. Oh. Oui, dans les Vosges. Ça fait super longtemps. À quoi se préparent les pompiers des Vosges? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça. Ah oui, c'est. Mmh. Ils ont fait une formation. Ils ont fait une formation, là, pour se préparer à quelque chose. C'est les feux de forêt. Là, c'est une bonne idée, les feux de forêt. Feux de forêt, parce que là, c'est l'été qui arrive. Il va y en avoir, bien sûr. Forcément, c'est les Vosges. Suffit. Eh bah ouais, mais comment tu sais ça? Pyromane. C'est vrai, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Ah bah je pense que Jocelyn sait parce qu'il est pyromane professionnel. Et pas pompier, ça se verrait. Non. Donc, ce qui est cool pour toi, c'est que tu n'auras plus à te déplacer dans le sud de la France. Grâce au réchauffement de la planète, tu vas pouvoir mettre le feu dans des feux de forêt, dans des forêts vosgiennes. Et ça, ça fait plaisir parce que les kilomètres, c'est qui les paye? Bah, c'est moi. Et bon. Ça pollue. Mais oui, on n'y pense pas assez. Alors que si on pouvait faire un feu à domicile, on pullulerait beaucoup moins. On pullulerait beaucoup moins. Effectivement, bah là, je suis scotché. Bah désolé. Ah, je pensais tenir longtemps avec cette question-là, mais non, effectivement. Non, il a eu cache. Il a reçu une bonne réponse. À quand les Canadairs au-dessus de Pierre-Percé qui viennent s'abreuver de l'eau de Pierre-Percé pour inonder le Donon, c'est bientôt. Bah j'ai fini d'enregistrer ça, et puis c'est bon, j'y vais. Alors tu nous donneras tes dates de mise à feu. Pour qu'on ait au moins le plaisir de voir ce beau feu de forêt. Mes dates de lancement. Mais ça a commencé comment ta passion pour la pyromanie? Tout bêtement, j'ai acheté un Zippo. Enfin, j'en ai volé un plutôt. Et puis je me suis dit non, ça s'allume vachement bien cette essence. Et à ce moment-là, j'ai trouvé une forêt, je l'ai allumée. C'est ça, directement une forêt. Moi, je me suis dit, t'as commencé dans un buisson ou dans les plantes de mamie ça, ou quoi que ce soit. Toi, tu vas direct en forêt, ça c'est très bien. Ok, alors juste une autre petite question. Et ça va être avec un bruitage. Alors j'espère. Ah, pour faire original. Alors, c'est d'actualité. Je me demande si on l'a déjà entendu ou pas. Et ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser au Caesar Palace. Tourner la roue. Qui dit casino? Dit Caesar Palace. Dit Las Vegas. Si on gagne, c'est jackpot. Voilà. C'est quelqu'un qui va avoir un gros jackpot. Il ne le sait pas encore. S'il a écouté Fat Jet, il va le savoir. C'est la personne qui va être appelée pour le cabas de Fat Jet. Ah non. Oh, ah non. Oh, ouais, c'est précis. Ça. Mais non. Il faut suivre l'actualité de l'émission. Alors, vous savez, je vous le remets parce qu'il y a des petites variantes. Ah oui. J'espère que vous entendez bien depuis. On entend très très bien. Voilà. Est-ce que c'est la personne qui va s'abonner en premier à notre page Facebook? Non, c'est quelqu'un de très connu. Pierre Palmade. Pierre Palmade, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. J'ai pas du tout écouté cette partie de l'émission. Pierre Palmade qui ne sait pas encore, mais grâce à notre analyse de l'horoscope, va avoir un gros buzz dans les jours qui viennent. J'aimerais bien le recevoir. Et qui dit gros buzz, gros gain. Ah d'accord, et en fait, de la fortune. Ton truc, c'était la roue tourne. C'était la roue tourne qui était en train de tourner. La roue tourne ou la roue de la fortune, enfin voilà, ouais. C'est la roue. Ouais, on peut voir l'image qu'on veut d'ailleurs. C'était la roue tourne qui tourne quoi. Voilà, voilà, effectivement. Donc on souhaite plein de bonnes choses à Pierre Palmade. On aimerait tellement qu'il vienne nous rejoindre au moins une fois pour les grosses fesses. Ça se négocie, effectivement. Et c'est la fin déjà de cette émission. On aura appris plein de choses, donc Jocelyn, on te retrouve où déjà? Alors c'est au niveau du, je sais pas, vous voyez le lac de Longemer? Ouais. Il y a une forêt juste à gauche. Oui. Bah c'est là où qu'on me retrouve. Quel jour alors tu y mets le feu? C'est vendredi 13h normalement. Ok. En plein pic de chaleur. Ça va pas porter malheur hein, vendredi 13h? Et si. Et c'est ce que j'espère. Oh, ok, très bien. Et James, on te retrouve dans quel casino de Las Vegas? Aux balises. C'est à côté du Paris-Las Vegas, ça. Oh, c'est possible. Allez, ouais. Après les Baléares, les balises. Tristan, on te retrouve où? Bah, attends. Monténégro. Mais non. Mais si, à Podgorica, pour aller prendre un petit coup de chaud. Eh ben, t'as bien raison, parce que tu manques de couleur un peu. Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu fade. Palo blanc. Surtout depuis que j'ai pas de musique. Bon. L'invité Showbiz. Est-ce que vous connaissez l'invité Showbiz? On le connaît très bien. Alors, qui est l'invité showbiz? C'est un grand couturier que nous allons recevoir. On va parler un peu mode. On en fait très peu dans cette émission et on va parler mode pour une fois. Et les auditeurs en réclament. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de courriers qui nous disaient est-ce que vous pourriez parler un petit peu de fringues, etc. On en a marre. On n'entend que des trucs de la musique. Et quoi de mieux que David Guetta pour annoncer l'arrivée de notre grand couturier lorrain? Effectivement. Mais... David Guetta. Love don't let me go. Bah oui, love don't let me go. Amour ne me laisse pas partir. Ah oui. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Et on accueille aujourd'hui sur Fadjet Radio un grand couturier lorrain et je vous demande d'accueillir Yves Saint-Seb. Yves Saint-Seb, bonjour. Bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup. Yves Saint-Seb, vous êtes grand couturier lorrain, n'est-ce pas? Alors absolument, je suis lorrain depuis la nuit des temps et j'ai la chance là, de faire mon exposition dans la ville de Nancy pour cette nouvelle gamme que je présente de produits. Alors voilà. Parlez-nous-en un petit peu, c'est quoi ces produits? J'ai l'impression que vous êtes connu, Yves Saint-Seb, pour un renouveau dans l'utilisation des matériaux différents. Voilà, bah c'est penser la mode avec des matériaux qui ne sont pas faits pour la mode. Si vous voulez, moi je fais rien en coton, je fais rien en laine, je fais rien en tweed. Okay. Par contre, je vais utiliser beaucoup de... Voilà, je vais utiliser... Par exemple, j'ai une gamme très répandue avec du BA13. Ah voilà, oui, on est sur du sur, ou alors sur du béton. Je fais des choses aussi en bois. Voilà, je fais des choses en tuc également. Le biscuit, le tuc. Le tuc, ouais, oui. Vous connaissez bien sûr. Saveur en particulier de préférence. Alors ça dépend. J'ai plusieurs gammes. Je vais avoir du justement les goûts pizza, les goûts etc. Ah, oui. On va avoir de tout, mais bon voilà. C'est... Si vous voulez, moi je considère que la matière est importante à porter sur le corps, mais également voilà, dans son utilisation, ça peut avoir un côté subversif. Et je sais, en tout cas de je vous suis sur Instagram forcément, je vois que vos égéries sont choisies exclusivement par vous. Vous avez choisi des égéries qui sont un petit peu controversées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu peut-être? Alors oui, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai une direction qui est claire, c'est que je ne veux que mes égéries s'appellent tous Tom. Oui. Parce que ce serait Tom et Jerry. Tom et Jerry. Ok. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est du coup très très très difficile à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Tom. Voilà. Et donc du coup, ça fait que je recale énormément de gens. Du coup, dans ma pratique. Je voudrais juste préciser également, tant que je suis, c'est que je suis aussi à Nancy là pour une collaboration que je fais avec le CHU de Nancy. D'accord. Voilà. Donc on travaille principalement sur deux axes. D'abord, c'est sur les tenues des chirurgiens. Parce que c'est vrai que on a une énorme demande en termes de tenues de chirurgiens. Qui sera en quoi du coup ? Si vous voulez, en fait, c'est pas forcément là sur la matière, mais c'est juste d'un point de vue mode, si vous voulez. Quand vous faites opérer, par exemple, d'un double pontage coronarien, c'est quand même plus agréable d'avoir un chirurgien, un praticien qui soit, si vous voulez, bien habillé. Hein, vous comprenez que, on ne le dira que voilà, c'est quand même plus agréable qu'il ait un petit haut tranquillement, voilà, un petit truc, voilà, un croc top ou un truc transparent, etc. Voilà. Moi, je trouve que ça apporte plus à la pratique et les chirurgiens nous le disent. Hein, y a une vraie demande de ce côté-là, du côté des charlottes également, les trucs qu'on met sur la tête. Hein, donc, moi, j'en ai fait un avec des petites inscriptions, voilà, des petits dessins. Donc vous faites aussi des tenues professionnelles. Vous faites aussi des tenues professionnelles, ouais. Et donc le deuxième axe qu'on a de ce côté-là, ça va être sur le plâtre. L'utilité du plâtre, effectivement. Donc on est sur des trucs qui sont très blancs et souvent vous voyez des gens qui vont dessiner des trucs à la main. Voilà, moi je là aussi je change le matériau, donc je fais pas des plâtres en plâtre, mais ça va être des plâtres en plâtre en tissu. Est-ce qu'on a déjà les tendances pour 2023? Oh, excellente question, oui. Les tendances pour 2023, alors je peux vous dire que le béton va revenir très très fort. Ouais, ouais, sous béton, quelle forme? Sous une... cellulaire, béton armé? Non, alors le béton armé, c'était très voilà, fin 2021, début 2022. Okay. Là, effectivement, béton cellulaire, vous en parliez, voilà, ça va être ça. Et aussi les tons pastels. Les tons pastels, le parce que c'est vrai pastel. Qu'on parle. Oui, le béton pastel, voilà, ça, c'est... exactement. Ça va être le nom de la gamme. Et on a beaucoup espoir là-dessus. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va s'orienter. On va surtout donner une chance aux gens qui pratiquent ce métier à Nancy. D'accord. Et ben en tout cas, en espérant que vous ne laissez pas tomber le béton pastel et que Nancy vous souhaite bon courage, une belle prospération et puis merci. La fameuse prospération. La prospération, c'est l'idée. Hein. C'est, vraiment, oui. Merci en tout cas d'avoir reçu Nancy. Merci beaucoup Bisous. Yves Saint-Seb d'être venu dans les locaux de Fadjet. Tout de suite, parce qu'on est très en retard, c'est le jeu auditeur. Juste après Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. that's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer with the B, I know killers in the street, with the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. Snoop Dogg, drop it like it's hot. Fais-le tomber comme la si c'était chaud. 18h. L'émission en retard sur son temps. Tu disais ? Je traduisais. Oui. Fais-le tomber comme si c'était chaud. Eh oui. Ah, ok. Tu es bilingue. C'est le jeu auditeur, le cabas de Fadjet a gagné, encore un cabas à gagner, puisque la semaine dernière, je ne sais même plus s'il y a deux semaines on l'avait gagné ou pas, vous il rappelez ou pas ? Il me semble que oui. Il avait été gagné, oui. Ah. Oh la main. Il y a encore deux semaines, encore c'était gagné, c'était les Tantans qui avaient gagné la semaine dernière. Ah ouais, il n'arrête pas d'être gagné en fait, c'est un jeu qui perd un peu son... Bon. Alors on va voir si va appeler quelqu'un. Alors comme je ne retrouve pas le son de du téléphone. Je peux on le va faire si une veux. Autre son. Ah bah ok. Ok. On appelle. Vas-y, on appelle. Alors c'est la première sonnerie. Deuxième sonnerie. Troisième. Allô. Ah oui. Bonjour. Vous êtes bien Gérard Dieudonné. Gérard Dieudonné, c'est moi. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez qui vous appelle ? Allô, à qui ai-je l'affaire ? Ah, vous nous entendez pas ? Vous ne savez pas qui nous sommes ? Attendez. Parlez. Alors, bonjour. Je passe. Ah, je vois qu'il y a un bébé avec vous. Oui. Bah, c'est mon petit Grégory. D'accord, très bien. Il a quel âge ? Ah ben il a de 6-7 ans, hein. Oui, 7 ans, ça grandit. Ah, puis il y a un chien aussi. Ah ben je suis accompagné. Bah, avec tout ça, alors... Vous savez, un micro-ondes aussi. Oui, on vous appelle, c'est pour le cabas de Fadjet. Ah, c'est Fadjet Radio ! Oui, c'est Fadjet Radio. Ouais, ah ben bonjour Fadjet. Voilà. Vous êtes sûr que vous occupez bien de l'enfant derrière, hein ? Non, il a à bouffer, là, donc c'est mort. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le cabas Fadjet ? Ah bah bien sûr que je sais. Ah bah alors je suis votre plus grand auditeur. Allez-y. Alors, il y a Ah non, je sais plus, alors, mince, une banane, oui, il y a une banane un peu molle. Oui, une banane un peu molle. Et... Une banane un peu molle, et normalement, c'est... Tout, je et crois. Non, c'est ballot, Il y avait un Minitel de la marque Matra. Oh non. Qui est non encore en état de fonctionnement. Mais écoutez, bah, dommage. Vous allez. Oh, dommage. En même temps, je pense que vous avez déjà plein de choses à faire avec votre enfant, votre micro-ondes et votre. C'était quoi chien, quoi, c'était votre chien. Chien, c'était parle. Doggy Doggy. Un chien, voilà. Doggy. Voilà. Et ben bah, très bien. La fidélité des auditeurs, c'est aussi ça. C'est la chance de pouvoir être appelé. Peut-être bon, allez, gagner Grégory, on va au bain. Le cabas. Merci Gérard Dieudonné. Bisous. Oh, il marche pas. Il marche. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve déjà dans 15 jours. Donc ça fait quoi ? J'arrive jamais. 23 juin. Le 23 juin. En attendant, jeudi prochain, vous aurez la joie d'écouter les cordes vocales de Gallon et de toute son équipe avec la voisinade. James, à bientôt. À bientôt, Tristan. Bon voyage à Los Angeles, à Las Vegas. Merci. Tristan. Oui, voilà. Et Jocelyn, à bientôt aussi. Bah nous on se voit jeudi. Allez. Bon voyage au rooftop. Voilà. Bah ouais. Allez, gros bisous. Ciao. Bisous. Bisous.